l'honneur soit donné à notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. C'est pour lui, notre Rédempteur, que nous chantons. C'est lui qui est digne de recevoir notre louange, notre adoration, nos danses. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Puisque lui a payé le grand prix pour nos âmes. Il a donné sa vie. Il a versé son sang. Ton père, ta mère pourraient aussi verser leur sang pour toi. Mais leur sang ne pouvait pas te sauver. Puisque leur sang est compatible à nous, à vôtre. C'est un sang pécheur. Il fallait un sang innocent. Un sang saint. C'est le sang de Jésus-Christ. Que son nom soit loué à jamais. Il nous a aimés. Et nous aussi, à notre retour, nous exprimons notre amour envers lui. Notre gratitude et notre reconnaissance par les services que nous lui rendons. Au siècle des siècles, que son nom soit loué à jamais. Je vous salue cet après-midi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons maintenant nous mettre debout pour honorer la lecture de sa parole. Romains 11, verset 11. Je dis donc, et c'est pour tomber qu'ils ont bronché, loin de là, mais par les chutes, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'il soit excité à la jalousie. Aussi, l'échite a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens. Combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Verset 15. Car si la mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur intégration? Sinon, le passage de la mort à la vie. Verset 17. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et toi, qui est un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas au départ de ces branches. Si glorifie, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, qui subsiste par la foi, ne t'abandonne pas l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Au verset 25, car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sage. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entré. Que Dieu vous bénisse et qu'il accorde des riches bénédictions à sa parole au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. Merci, mon frère. Le temps de la réconciliation, c'est le temps qui nous reste dans ce monde pendant que nous attendons le retour de Christ. Nous, l'épouse, nous n'entendons pas la fin du monde. Les gens parlent trop, la fin du monde est déjà, la fin du monde est là. Mais la fin du monde ne doit pas précéder le retour de Jésus-Christ. Et si nous sommes ici ce soir, ce n'est pas pour nous préparer à affronter la fin du monde, mais nous sommes ici pour nous préparer au retour de Christ qui va avoir lieu juste avant la fin des temps de la grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, bien que nous vivons dans le dernier âge d'état des nations, l'âge de l'Odyssée, mais il nous reste plus de temps à vivre encore dans cette terre. Par l'aide du Saint-Esprit, je vous montrerai les écritures même des prophéties, pas même aujourd'hui, pour vous préciser, c'est le temps que chacun de nous prenne vraiment position de la parole que vous avez écrite. S'il y a un temps, vous devez être sérieux. C'est maintenant. Il n'y a que le retour de Christ que nous attendons. Et la Bible dit, viendra comme un voleur. De la même manière, comme l'amour nous s'y prend, de la même manière aussi, le retour de Christ s'y prendra beaucoup. Même nous aussi, frères, nous serons simplement surpris d'être enlevés. Mais ce qui est important, c'est soyez prêts. Pour ce qui concerne l'heure, le jour, les mois, l'année, cela ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est que si nous viens même maintenant, nous sommes dans l'église. Et que tu ne dises pas, Seigneur, attends-moi que je rentre à la maison. Comme Ézéchiel, ce qui avait dit, non, encore 15 ans, Seigneur, que j'arrange ma vie. Le Seigneur ne tardera pas son retour pour t'attendre toi encore d'aller arranger ta vie. Ça, c'est le temps de la prolongation de Dieu. Ça, c'est le temps de la patience. Alors, mettez en ordre ce qui vous reste à mettre en ordre. Puisque l'évangile que nous prêchons, l'évangile que nous aimons, l'évangile qui nous réjouit, bientôt va retourner en Israël. La grâce va quitter les nations. Le salut va quitter les nations. Il doit retourner là où il était venu. Prenons un type dans l'Ancien Testament pour comprendre vraiment le plan de la rédemption. Puisque si vous ne comprenez pas, il vous sera aussi difficile de croire. Mais quand vous comprenez, vous pouvez croire. Puisque vous allez voir que la chose est correcte. L'apôtre Paul dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 13. Il dit, nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que le fils d'Israël ne fixât ses pas le regard sur la fin de ce qui était passager. Mon interprète, soyez aussi souple. Puisque ici, c'est le problème du temps. Verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, les mêmes voies demeurent. Quand il faut la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne s'élève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque le cœur s'est converti au Seigneur, le voile est ôté. Il est pasia inondoshwa. Moïse était le vrai type de Jésus-Christ. Tout ce qui arriva dans la vie de Moïse, c'est tout ce qui était arrivé même dans la vie de Jésus-Christ. Moïse est né pendant que son peuple était dans l'esclavagisme. Jésus aussi est né pendant que son peuple était dans la domination de l'Empire romain. Et quand Moïse est né, la loi était déjà ordonnée de tuer tous les mâles. Et quand Jésus-Christ était né aussi, c'était la même chose. De la même manière que Moïse avait fui dans le pays des mendiants, Jésus-Christ aussi, Marie et Joseph, l'ange lui a dit à Joseph, prends Marie et le petit enfant Jésus, fuyez en Égypte. Et lorsque le temps où Moïse devait libérer le peuple arriva, le Seigneur lui renvoya là où il avait fui. Et c'était la même chose pour le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'ils ont sorti, avant qu'Israël sorte, il a fallu que le premier-né soit tué. Il a fallu que le sang soit appliqué. C'était la même chose pour le Seigneur Jésus-Christ. Pour que l'Église sorte de la domination du péché, il a fallu que le sang puisse couler. Et Moïse conduisit le peuple d'Israël. Mais arrivé dans le désert, Dieu dit à Moïse, monte ici sur la montagne. Et là où Moïse était monté, la Bible dit Moïse avait fait 40 jours, 40 nuits dans la colonne de feu, dans la lumière, devant la présence de Dieu. Et quand Moïse était descendu, avec toute la gloire de Dieu sur lui, pour transmettre les 10 commandements qu'il avait reçus de la part de Dieu, la Bible dit, le peuple d'Israël, lorsqu'il en regardait, il ne pouvait pas bien fixer les regards, puisque le visage de Moïse rayonnait comme le soleil, dégager la gloire de Shekinah. Lorsqu'on regardait Moïse, les yeux faisaient mal. Alors qu'est-ce que Moïse devait faire? Il devait prendre un voile et se couvrir le visage. Afin que quand le peuple d'Israël le regarde, il ne le voyait pas. Mais le regard se limite simplement à ses voies. Mais à l'intérieur de ses voies, se cachait le vrai homme appelé Moïse. Et tout ce qui s'était fait dans l'Ancien Testament, ce n'était pas un hasard. Dieu était en train d'écrire l'histoire de la rédemption. Bien-aimé dans le Seigneur, cela montrait que quand Dieu descendra du ciel, s'il pouvait venir avec la gloire de Dieu, l'œil de l'homme ne pouvait pas le regarder. Alors il a fallu aussi que Dieu se voile pour qu'il puisse venir se communier avec l'homme. Et la Bible dit, l'apôtre Paul en prêchant l'évangile aux nations, il dit, mais nous les prédicateurs, les ministres de l'évangile, nous ne faisons pas comme Moïse. C'est-à-dire, nous ne nous voilons pas. Ou nous ne voilons pas l'évangile. Comme Moïse mettait les voix sur son visage. Pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards. Mais nous, nous prêchons l'évangile. C'est pour tirer le voile. Afin que les élus de Dieu voient la gloire de Dieu. Et la Bible dit, la gloire de Moïse était une gloire passagère. Après quelques temps, cette gloire avait disparu. Mais c'était un type. Et la Bible dit, pourquoi Moïse avait fait cela? C'était Dieu qui était en train d'écrire l'histoire pour montrer que dans le passé, c'était le visage de Moïse. Mais la Bible dit, même jusqu'à ce soir, quand il lisent les 10 commandements de Moïse, quand il lisent les livres de Moïse, les mêmes voix demeurent où? Dans leur cœur. C'est-à-dire jusqu'à ce soir, le cœur des enfants d'Israël est voilé pour qu'il ne puisse pas être ouvert pour recevoir, comprendre les choses qu'il lit. Et tout cela avait pour un objectif. Tout cela avait pour un but. Puisque si Israël aurait pu reconnaître le Messie, le salut ne serait pas venu parmi les nations. Et c'est pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16 la Bible dit, et dès maintenant nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenus nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et à réconcilier le monde avec lui-même, il n'imputait pas aux hommes leurs péchés. Il ne rappelait pas aux hommes, regardez ce que vous avez fait, ce que vous avez fait. Qu'est-ce qu'il faisait? Il pardonnait tout simplement. Et la Bible dit, le même Dieu a mis à nous la même parole de la réconciliation. Quand nous prêchons, nous ne condamnons pas les gens, mais nous condamnons les péchés et nous montrons aux hommes que la voie de la réconciliation est possible si vous avez la bonne volonté de vous réconcilier avec Dieu. Oh, que Dieu soit loué. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant pas aux hommes les offenses. Frère Branham dit, maître Dieu ne nous condamne pas et ne nous condamnera pas parce que nous sommes nés de pécheurs. Dieu ne te condamne pas parce que tu as péché. Puisque c'est ça la nature du péché. Nous sommes nés pécheurs. Et notre vie était le péché. Dieu ne peut pas te condamner à cause de cela. Mais Dieu nous condamnera quand? Lorsque la voie de la réconciliation a été ouverte. Et qu'appela tout pécheur. Il y a le moyen d'avoir un dialogue avec Dieu. Et de retourner à Dieu, de changer la vie, de quitter la vie de païens, de devenir chrétien. Mais quand vous rejetez cette opportunité, c'est là que votre jugement demeure. C'est pourquoi la Bible dit, cette bonne nouvelle du royaume doit être prêchée sur toutes les nations pour servir le témoignage. Quel est le témoignage au jour du jugement? Pour que quelqu'un ne dise pas, je n'avais pas entendu, je n'avais pas eu l'opportunité. C'est pourquoi Dieu a tenté de multiplier les voies pour que les gens retournent à lui. Même par l'internet. Pendant que nous prêchons ici, il y a même les gens qui ne sont pas venus, mais qui sont capables de suivre la parole de Dieu. Et tout cela, c'est pour que la bonne nouvelle atteigne toutes les extrémités de la terre. Et au jour du jugement, nous serions inexcusables. Parce que les salis ne nous coûtent rien. Bien que nous avons mal fait, nous avons offensé Dieu, mais il a envoyé son fils pour nous récupérer sans argent, sans rien payer. Ça demande seulement ta propre volonté, ta propre vie. C'est-à-dire, dès ce soir, si vous voulez abandonner les mains et être chrétien, avoir les salis, cela est possible. Amen. Et là où nous avons lui-même, la Bible dit que seulement lorsque le cœur des peuples d'Israël seront convertis à Christ que le voile sera enlevé. Et à ce temps où je vous parle, tous les préparatifs sont en place. Plus ou moins 99 éléments pour la reconstruction du troisième temple sont déjà là. Et on avait demandé au gouvernement d'Israël. Nous voyons tous les éléments. Où est l'arche? Ils ont dit, nous n'avons pas prévu l'arche. Parce que l'arche est éteinte là où elle était. Et là où se trouve l'arche, c'est là où on a construit le temple des musulmans. Et selon la parole de Dieu, le troisième étape ne doit pas être construit en dehors du lieu où le premier temple était construit. Cela aussi est le type de l'église de l'Odyssée. C'est-à-dire notre doctrine ne doit pas s'écarter là où était la première doctrine. Nous devons prêcher comme les premiers apôtres avaient prêché. La même foi qui était en effet. La même foi qui était le jour de la Pentecôte, c'est la même foi qui doit être écrite. Ce n'est pas étonnant que le prophète de notre âge, il a répondu à l'ange. Si Paul et s'est converti, entrons moi avec les miens, nous entrons. Car j'ai prêché comme Paul et j'ai baptisé comme Pierre. Et l'évangile de l'île prophète, selon Matthieu 17, or, c'est un évangile de rétablissement de toutes choses. C'est-à-dire, chaque chose que nous faisons doit être rétablie. à la première fondation. C'est pour cela nous ne fabriquons rien. Ce qui est dans la Bible, c'est ça notre fondement. Et ici nous enseignons comme Paul avait enseigné. Nous croyons comme les croyants d'Éphèse avaient écrit. Gloire et soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Quand Branham a vu la vision préalable de l'épouse. D'ailleurs, c'était la vision de l'église de l'Odyssée. Et elle a vu l'église de Fès qui était bel et bien habillée, qui avait bien défilé, c'était glorieux. On dit, regarde l'église de l'Odyssée. Et quand il ouvre les yeux, c'était des femmes avec ce que vous appelez là des hauts talons, je ne sais pas quels sont les noms qu'on donne à ces chaussures dames. Et frère Branham vous dit, c'est les femmes même. Ne portez pas les habits. Portez simplement des sous-vêtements que aujourd'hui nous avons trouvé les noms qu'on appelle les strings. Frère Branham vous dit que c'est simplement les petits sexes, un petit étoffe qui cachait les sexes. Mais ici, les fesses et tout étaient vides et tenues. Et avec des cabelos de peinture, avec des ongles longues, comme les femmes d'aujourd'hui mettent des plastiques. Plastique. Et quand frère Branham a vu cette chose, il a appelé ce sont les âmes qui sont en prison. Regardez aujourd'hui, vous voyez même dans les réseaux sociaux, même les femmes ne portent plus les âmes. Même dans les concerts aujourd'hui, les femmes dansent avec des strings. Et les gens sont en train de jubiler, frère. D'après vous, de quoi s'agit-il? C'est les signes rouges qui nous montrent que bientôt nous allons partir. Du temps de Branham, il n'a pas vu ses sous-vêtements. Mais nous aujourd'hui, nous les voyons. Vous connaissez de quoi je parle? Il n'y a pas d'hypocrisie. Puisque nous tous, nous voyons ça dans les télévisions et dans les téléphones Android. C'est pour cela que j'avais dit même aux enfants d'été, au fil de n'achetez pas ces sous-vêtements. Ce sont des sous-vêtements de prostituées. On porte un habit, c'est pour cacher les corps. Et aujourd'hui, la femme n'a plus honte de marcher. C'est exactement la Odyssée. Avec l'ennemi et tu ne le sais pas. Et parce qu'elle porte des strings là, elle porte les habits, mais selon la parole, ces femmes-là sont nues. Ce sont simplement des filles qui les ont attachées dans les corps. Oh, on s'habille et c'est pour cacher les corps. Que Dieu nous fasse grâce. Et que son nom soit loué pour vous qui avez reçu la révélation. Et de sortir de cette mauvaise vie. Oui, frère. Et quand le Seigneur était venu, la Bible dit Jésus était Dieu. Dieu n'était pas resté au ciel comme un père, et le Fils est venu sur la terre comme un envoyé. Mais lui-même est Dieu et descendu sur la terre pour réconcilier l'homme. Même si nous ne vous disons pas que Jésus est Dieu, mais par la prédication, par la parole. Chaque libre Dieu comprend que Jésus est Dieu. Et la Bible dit, verset 21, lui qui n'a point commis le péché, mais il a fait devenir péché. Pas péché, mais péché. Parce que Jésus, son rôle, c'était de prendre ton péché. et de l'établir en lui. Na kuiweka ndani yake. Et de prendre ce que lui était à l'intérieur. Puisque la Bible dit, Dieu était en Christ. C'est-à-dire le Dieu là, qui était en Christ, il a fait sortir pour le mettre en toi. Et toi, la vie du péché, qui était en vous, qui te faisait commettre le péché, Dieu l'a délogé. Ami dans son fils. Et la Bible dit quoi? Lui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous, nous devenions justice de Dieu. Nous qui avons obtenu la réconciliation, nous qui avons obtenu le pardon, nous sommes la justice de Dieu dans cet âge. Quand les gens de ce monde disent, il n'y a pas de juste, vous direz que moi je suis juste. Nous ne fabriquons rien, c'est la parole. Kitu ni neno. Toi qui faisais les bêtises, toi tu vois le passé, mais aujourd'hui, le passé là est déracelé. Et la nouveauté est entrée. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et frère Branham dit, la véritable date de ta naissance. Frère, soyez souple, ne me retenez pas. Frère Branham dit, ta véritable jour de naissance, ce n'est pas celle qui est écrite dans ta carte d'identité. Ça, c'est la date où tu étais né pour commencer à pécher. Mais ta véritable jour de naissance, c'est le jour où tu avais accepté Jésus-Christ. Les hommes te regardent dans la vieille vie. Oh, cette vieille vie là est déjà morte et enterrée. C'est pourquoi la Bible parle de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est pour ceux qui sont nés avec la semence de justice dans leur cœur. C'est pour cela, étant qu'à voix de Dieu, l'injustice ne doit pas être parmi nous. L'injustice n'est pas notre vie. L'injustice, c'est la vie de Satan. S'il y a les hommes et les femmes honnêtes aujourd'hui, c'est nous les enfants de Dieu. Soyez honnêtes à toutes les choses. Pas de mensonges. Pas de tricards. La vérité, c'est la vérité. Les mensonges, c'est les mensonges. Et nous ne marchons pas les mots. Et ceux qui sont des dieux, ils sont justice de Christ. Et dans Jean, Israël, dans tout cela, il n'a pas reconnu ça. Il n'a pas reconnu le vrai rôle de Christ pour lui. C'est pourquoi dans Jean 12, verset 34, la foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dit-il, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Qui est ce Fils de l'homme? Puisque la loi parlait le Messie, c'est Dieu. Et Dieu ne meurt jamais. Dieu vit éternellement. Mais ils étaient achompés d'entendre Jésus dire, je vais aller à Jérusalem, je vais mourir et je vais être enterré. On a raison. Charles, on n'a pas crié à cet homme. Vous avez écouté cette déclaration. Il veut mourir. Nous, selon la loi de Moïse, nous savons, nous croyons que le Christ, le Messie, ne meurt pas. Mais cet homme, on croyait qu'il est le Messie. Et il ne va mourir. Ce qui n'est pas le Messie. Ils n'ont pas compris. Il y a la différence entre Jésus et Christ. Jésus, c'est le nom humain. Mais Christ, c'est le Messie. C'est ça ce qui ne meurt pas. Et le Messie qui était à lui, le Fils de Dieu, que Branham appelle en grec Christos, ne meurt jamais. Et pourquoi ce corps devait mourir? Au verset 37, malgré tant de miracles qu'il avait fait à leur présence, il ne croyait pas en lui. Vous voyez? Les miracles ne convertissent pas les gens. Pour que les gens croient, ils doivent recevoir premièrement la révélation. Et ce n'est pas tout le monde qui doit croire. Il n'y a que les élus de Dieu qui ont été sélectionnés. Ce sont eux qui vont voir, comprendre et croire. Il fait le miracle. Puisque nous aujourd'hui nous croyons que parce qu'il n'y a pas de miracle, que les églises ne sont pas exagérées déjà. Même si les morts ressusciteraient tous les matins, l'incrédule restera toujours incrédule. Les miracles ne se font pas pour gagner les âmes. Les miracles ne se font pas pour confirmer la parole. Mais nous, les enfants de Christ, nous croyons ça les miracles. Quand je pars, les voiles sont enlevées. Et nous voyons et nous disons amen. Afin que ça accomplisse la parole qu'Esaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a crié à notre prédication et à qui le bras de l'Éternel a été-il révélé? Aussi, ne pouvait-il croire? Parce que Esaïe dit encore, il a aveuglé les yeux et il a endurci le cœur de peur qui ne voit de Dieu et qui ne comprend de cœur et qui ne se convertisse et que je le guérisse. Alléluia. Alléluia. Et tout cela na ile yote avait pour un but. Il na kifukuzio. Et devait être aveuglé. Et devait être en dix. Et devait être voilé. Et rester incrédule. Pour ne pas croire. Pour rejeter Christ. Afin que toi et moi, nous puissions prendre leur place. Et pour nous bien aimer dans le Seigneur, pour croire, il faut voir. Pour croire, il faut ouvrir le cœur. Pour se convertir aussi, pour que le Seigneur te guérisse, il faut l'accepter dans tout ton cœur. Est-ce que vous comprenez les Écritures? Bien aimer dans le Seigneur, nous sommes ici des groupes. Il y a ceux qui ont déjà cru. Nous sommes en train de vous positionner, de vous montrer ce que Dieu a fait à vous. Et si vous n'avez pas encore en cri, venez nous rejoindre. Ne restez pas à l'extérieur de l'arche. Il n'y a pas de la sécurité en dehors de l'arche de Dieu. Le verset 41 dit quoi? Esaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Esaïe avait vu en tant que prophète comment Dieu descendrait sur la terre, comment il serait voilé, comment les fils d'Israël vont les regarder 24 et 24 heures et ne pas les voir. Il va bien prêcher matin au soir. Ils ne vont pas écouter. Il va faire les miracles. Mais ils ne vont pas croire. Pourquoi? Pour que le jugement tombe sur eux. Et si vous écoutez la vérité, vous ne croyez pas, vous êtes condamné. Luc 23, verset 33. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, il est crucifié là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'un à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'il font. Et il s'est partagé ses vêtements en tirant au sort. Lui, le Seigneur, il savait que ce peuple ne comprend pas ce qu'il font. Et le peuple se tenait là. Et regardez. Les magistrats se moquaient de Jésus. Disant, s'il a sauvé les autres, qui se sauve lui-même. S'il est le Christ, l'élie de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approcha et lui présenta du vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Et il y avait aussi de lui cette inscription. C'est lui-ci et le roi des Juifs. Mais l'un des malfaiteurs crucifié, l'injurié, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation pour nous, c'est justice. Quand nous recevons ce qu'on méritait nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Gloire au Seigneur. Là où il y a Christ, il y a toujours ces deux catégories de personnes. Il y a un groupe de mon cœur. Il y a un groupe des aveugles. Il y a un groupe qui voit. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes comme cet autre brigand. Nous tous, nous étions des brigands. Nous méritions la mort. Mais lui a pris notre place. Et la même chose qu'il avait fait pour cet autre brigand, il peut le faire pour toi si vous recevez la révélation. Et il dit, Seigneur, quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Il a reconnu. Il a dit que c'est injuste. Il n'a rien fait du mal. C'est nous qui devons mourir, mais pas lui. Et il a confessé. Il a intercédé. Il a imploré sa miséricorde. Et comme lui était venu, non pas pour nous imputer de nos crimes, il nous accorde, il signe simplement pardon. C'est comme cette femme qui était surprise en flagrant délit d'adultère. Il l'ont amené pour les condamner. Mais lui n'était pas venu pour condamner. Il est venu pour te sauver. Malgré les multiples crimes que vous avez commis, des avortements, des tueries même, d'autres ici étaient des assassins, des magiciens, quelle que soit l'intensité du mal que vous avez fait dans votre vie, ce soir, Jésus t'appelle. Si tu crois qu'il peut t'amener au paradis, t'as changé la vie, de t'enlever de la misère au bonheur, cela est possible. Et les génies de Dieu, c'est ceux qui reçoivent la révélation de la chose correcte. Si tu es de Dieu, tu comprendras. Dans la prédication de Frère Branham, le Dieu puissant dévoilé devant nous. Je vais sauter. Paragraphe 58. Ici, Frère Branham vous dit, oh Jésus, lorsqu'il était ici sur la terre, a dit le prophète qu'ils étaient de Dieu. Vous appelez de Dieu ceux à qui la parole de Dieu vient. Et si le critique ne peut être anéanti. Et il leur a demandé comment donc ils pouvaient les condamner. Je saute ça. Je retourne un pas en arrière. Paragraphe 35. Nous voyons ici que son expression changer de forme vient du mot grec amorphe qui signifie l'invisible a été rendu visible. C'est-à-dire quelque chose qui ne pouvait pas être vu. Nous savons que nous savons que lorsqu'il a changé de forme d'amorphe à ce qui signifie qu'il est passé de surnaturel au naturel, il ne fait que changer de masque. Et au paragraphe 38, en prenant les prophéties de l'Ancien Testament qui décrivent les Messies et en les comparant à la vie de Jésus, vous obtenez l'identité exacte de Jésus. Il n'était pas simplement un homme ordinaire. Il était Dieu, amorphe. Il est passé de surnaturel à la forme naturelle d'un homme. Néanmoins, il était Dieu manifesté dans la chair, mais dissimulé derrière ce voile de chair humaine. Amen. De la même manière, Moïse devait voiler le visage. Dieu, pour descendre sur la terre, il a pris le voile, pas le rideau de ses morts, mais le voile que Dieu avait pris, c'était la chair. Le corps de l'homme, Dieu l'avait utilisé comme voile. Et il est descendu. Celui qui était descendu. Celui qui était mort à la croix. C'était Dieu voilé dans un corps appelé Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul enseigne. C'était Dieu réconcilia le monde avec lui-même. Mais ce que vous dites, amen, Israël ne l'a pas cru. Israël n'a pas cru. Ils se sont doutés de lui. Si tu es le Messie, si tu es le roi des Juifs, le roi vive éternellement. Mais il était le roi des Juifs. Si tu es le Messie, pas s'il était, il est le Messie. Voilà, dans un corps de chair. Et comme Frère Branham vous dit encore tous dans la même prédication, il dit pour vous faire comprendre ce que Dieu a fait de quitter le surnaturel, de quitter la gloire pour descendre au naturel. L'homme ne pouvait pas supporter de regarder Dieu vivre. Vous vous souvenez dans la Bible, Moïse, après avoir parlé avec Dieu, il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce, laissez-moi voir ton visage. Quelle est la réponse que Dieu lui donne? Personne ne peut me voir et rester en vie. Mais comme tu as besoin de me voir, je vais passer là. Mais tu vas simplement voir ne plus que la partie de puisque Dieu en tant que Dieu dans sa gloire, s'il descendait en tant que Dieu, quel est le pécheur qui pouvait résister devant lui? Kana Esaïe 6. Lorsque Esaïe a vu ses voix, Dieu dans son trône, comment les séraphins qui n'ont jamais péché, mais se voiler le visage avec les ailes pour ne pas regarder la sainteté de celui qui est assis sur le trône. Esaïe a commencé à pleurer lui-même sans que quelqu'un lui prêche la vie. Oh, non, tout. Et il a compris comment je suis un pécheur. Je vis parmi les pécheurs. Je suis un homme dont les lèvres sont impies. Et mes yeux ont vu le roi de gloire. Je veux mourir. Mais comme c'était de miséricorde, il dit au séraphin. Prenez le feu qui est sur l'autel. Allez toucher les lèvres des hommes. Et quand ce feu touche ses lèvres, là je dis ne crains plus. Comme c'était charbon Adam. C'est charbon Adam. A touché tes lèvres. Ton péché est expié. Et ton iniquité est enlevée. À ce moment, tu peux tenir devant Dieu. Viens dans sa gloire. Si tu sais qu'il vient. Dans sa nature et des signes naturels. Quel est l'homme qui pouvait le regarder? Les anges qui n'ont pas péché n'arrivent pas à les regarder. Qu'en est-il moi, nous, des péchés? C'est pour cela qu'il devait se voir. Frère Branham dit. Il peut être témoignage. C'est comme un roi. Il était roi. Et un jour, il a dit aux anges, à tous ceux qui étaient dans son palais royal, il dit, à partir de ce moment, je ne veux plus être votre roi. Vous ne me verrez plus là, dans les trônes. Il a enlevé la couronne, il a déposé. Il a enlevé les habits royaux, il a déposé. Il a pris son bâton de roi, il a déposé. Et les membres de la cour royale lui ont posé la question, mon Dieu, où va-t-il? Où t'es-moi? Nous sommes bien ici avec toi. Va-t-il aller plus dans un pays de royale? Il dit non. Je change simplement la forme, mais je serai toujours là. Mais vous n'allez plus me voir dans la même gloire que vous me voyez maintenant. C'est comme cela que Dieu a fait. Et Frère Branham vous dit, c'est homme roi, il a dit je vais changer la vie des villages, mais pour que je change les conditions de vie des hommes et des femmes et des cambons, moi-même je vais voir quels gens de vie sont en train de vivre. Si je vais là-bas comme un roi, on va arranger les choses et ce sera les hommes bien mystérieux qui vont être à mes côtés. Mais mon souci c'est de changer la vie des plus pauvres, de l'élever en fait d'être amené. Et quand Dieu maintenant a pris quoi? Na wakati les amis, comme je vois les crésers ici, vous les voyez quand ils viennent de mine, avec les minéraux. Regardez simplement les rasmes. Même si c'est quelqu'un qui vit avec toi, tu vas oublier. Il est ça avec les habits ça. Et Dieu aussi a accepté de porter ce corps ça. Il est resté bien ni comme des crésers, couvert de la poussière. Ça, et lui aussi est allé dans la mine. Il est en train de crésers. Et avec les crésers, sont devenus les camarades. Ils sont en train de parler. Mon Dieu, fais pour moi de je n'ai même pas mangé. Et lui aussi, Jésus a goûté à tous ces misères. C'est pourquoi il devait se faire cher pour goûter la misère que vous traversez. Il a goûté à l'humiliation. Il a goûté à la maladie. Il a goûté à la famille. Il a goûté à l'opprobre pour savoir ce que c'est l'homme. Et pour faire quoi? Pour changer ta vie. Et la seule moyen, le seul moyen pour changer notre vie, c'était de nous enlever la vie de misère. Et la vie de la misère, c'était le péché. Il devait enlever cela pour nous charger de la misère à la gloire. Et après avoir enlevé ce débit de la misère, il dit, je venais vous prendre. C'est pourquoi dans le livre des Hébreux, il est notre souverain sacrificateur qui peut être touché par les sentiments de notre culpabilité. Dieu est différent avec toi, frère. Moi, je peux venir demander une aide. Mais tu vas me promettre, frère. Je suis désolé. Vraiment, je suis désolé. À la prochaine. L'indifférence. Je t'ai dit que je souffre. Mais comme vous me voyez, est-ce qu'il souffre réellement? Oui, il cherche à me rançonner. Mais Dieu est différent. Quand vous confessez, vous priez, Seigneur, déjà ça va droit au cœur. Il est compatible à la douleur, à la maladie. C'est pour ça, frère Branham dit, la puissance de la guérison réside dans l'amour. C'est lorsque vous avez la compassion avec quelqu'un qui est dans les difficultés. Quand vous priez sous cette onction, Dieu fait quelque chose. Parce que Dieu est dans l'amour. Nous, nous pouvons te mépriser. Mais Dieu ne peut pas te mépriser. Et le terminer pour vous laisser partir. C'est pour ça, frère Branham, je donne un témoignage de la maman au poisson. Maman au poisson. Il dit, il y avait un animal qui avait fait des petits dans la forêt. Mais à la place de rester dans sa place, à cause de la famille, elle a quitté sa place. J'ai des enfants, je dois les nourrir. Ici, je dois me débrouiller. Et en sortant, elle est allée dans un autre camp qui était le camp des chiens sauvages. Et dans ce monde, nous avons des limites. En tant que des enfants de Dieu, même votre difficulté, restez dans votre limite. N'allez pas chercher des solutions en dehors de notre clôture, en dehors de notre anglo, tu vas être agressé par les chiens sauvages. Je crois que le Saint-Esprit vous donnera la révélation. Et cet animal n'allait dans les cas qui ne lui appartenait pas. Mais les prédateurs l'ont attaqué. Nous sommes simplement protégés, frères. C'est quand nous sommes dans la parole. Mais quand nous quittons la parole, nous sommes dans la sécurité totale. Même l'ennemi ne peut pas te sécuriser. Le seul qui nous sécurise, c'est la parole. Le sang de Jésus-Christ. Pousser le décret, le nom de l'éternel est une tour forte. Quand le juste s'y refuse, il est en sécurité. Notre sécurité, c'est le message de l'air. Mais cet animal, en allant dans les camps, tu ne l'appartenais pas. Ils l'ont attaqué. C'est comme beaucoup parmi vous. Laissez-moi aussi faire chercher un enfant. Laissez-moi aussi faire comme elle est parlée. C'est moi, si je vais avoir ce diplôme, ce travail, je vais laisser. C'est là que le diable va t'avoir. Ne jouez pas avec Satan. Un enfant de Dieu ne sera jamais plus risé que le diable. Puisque la risée, c'est la vie même de Satan. Avec les difficultés, restons dans la parole. Au temps favorable, l'éternel vous secourira. Et cet animal, en allant là-bas, ils l'ont attaqué pour les jouer. Mais comme Dieu voulait nous instruire, cet animal, elle a quitté le camp de l'ennemi. Toi aussi, fais un effort ce soir. Quitter l'incrédulité, viens entrer dans la parole. Et en arrivant là, le petit maman est allé ici. Maman est venue avec une blessure, avec une patte cassée. Qu'est-ce que le maman devait faire? Malade. Avoir la forêt, sans hôpital, sans médecin, sans aide. Comment les plaies là seraient guéries? C'était maintenant les microbes. Quand vous avez péché et que vous ne confessez pas, n'oubliez pas que ces péchés-là ne feront que s'infecter et va t'amener à la mort. Si tu as fait quelque chose de mal, venez et confessons. Ne garde pas le péché par l'hypocrisie. Ça va t'amener à l'enfer. Le péché ne t'aidera pas. Mais ça vous aidera à te détruire. Et arrivé là-bas, dès 4-5 jours, les plaies étaient pourries. Les asticots s'étaient installés. L'animal sentait déjà mauvais. Il devait mourir. Ça, c'est court. Mais Dieu aussi a mis dans le cœur de cet animal. Va voir un homme appelé William Branagh. Je lui ai donné le don de la guérison. Suivez, malgré je vois que j'ai volé. Et je vais voler même 5 minutes. C'est pas voler, mais je vais prendre 5 minutes pour notre terre. Et cet animal, Dieu l'a fait sortir de la forêt. C'est notre type. Dieu nous a fait sortir de le monde de l'incrédulité. C'est pour venir à lui être sauvé. Ce n'est pas par tes efforts. C'est Dieu qui t'a inspiré. C'est Dieu qui t'a conduit de venir dans cette église. C'est Dieu qui t'a conduit de venir dans ces messages. Et ne l'oubliez pas pour quel objectif. Et aller au ciel. Et cet animal, Frère Branham dit, pour arriver dans sa maison, elle devait traverser. C'est quatre ou parcelles de voisins, de parcelles vides et non clôturées. Mais l'animal ne pouvait pas entrer. Parce que là, il n'y avait pas ce qu'elle cherchait. Ici, il n'y en avait pas. Là, il n'y en avait pas. Et c'est le type des catholiques, des protestants, des groupes de prière, dans tous ces mouvements-là, il n'y a pas le salut pour nos âmes. Et arrivé dans la maison de Branham, bien que c'était clôturé, mais l'animal est venu dormir dans sa porte. Qu'est-ce qui a tiré cela? Branham dit c'est la profondeur qui appelle la profondeur. Là où la parole de la vérité prêche, les ennemis de Dieu de cette contrée, bien qui les appelle? C'est Dieu lui-même. C'est lui qui t'a appelé ici. Ce n'est pas un homme de ce monde, c'est Jésus-Christ. Même si on t'avait dans cette invitation, n'oubliez pas qu'il est écrit, personne ne peut venir à lui s'il n'est pas appelé par Dieu. Soyez d'abord rassurés que tu es assis ici par Dieu lui-même. Et tu as un objectif, un travail. Ne soyez pas dites. Frère Branham sort, l'animal était, croyait qu'il était mort. Il bouge, l'animal réagit. Et les vétérinaires disent, prenez cet animal, jetez-le à la forêt, tuez, il va infecter la famille. Branham dit, je ne suis pas un tueur. Les vétérinaires disent, il va infecter le caïssa. Branham dit, après c'est maintenant la peine. Il est allé jeter là-bas la forêt. Et quand Branham sort, cet animal est retourné encore. Comme la porte était ouverte, il est allé s'asseoir juste là au salon de Branham. Branham entre là. Voilà l'animal. Et Dieu lui parle. C'est moi qui ai envoyé cet animal. Mais vous l'avez critiqué. Vous l'avez repoussé. Vous l'avez méprisé. Mais tu oublies que j'ai mon don à toi de la guérison. Que cet animal a besoin d'être guéri. Prie pour cet animal. Et Branham a demandé pardon pour avoir méprisé cet animal. Quand il a prié sur cet animal, si méchant, les plaies se sont cicatrisées. La porte qui était cassée était bel et bien remplie. D'après vous, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que vous pouvez comprendre? C'est ça notre situation. Nous ne venons pas ici pour nous critiquer les élèves. Mais nous venons ici avec des infections, avec des malades, avec des cassures, parce qu'au milieu de nous, il y a quelqu'un qui est plus que William Branham. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui ne guérit pas simplement les corps, mais il guérit nos âmes. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi la Bible dit, je suis l'Éternel qui guérit toutes vos maladies et qui pardonne et tout est bon péché. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout pour prier le Seigneur. La foi de la maman au poisson. imani ya ule mama nyama. C'est ce qui lui a donné la guérison. Njo ile kwa leta matunzo. Si n'avait pas la foi. Kama shikwe na imani. Elle ne serait pas guérie. Asikupasha kupona. Mais sa foi. Lakini imani yake. Lui a amené d'être guéri. Ili mupeleka apate kupona. Mais on l'a critiqué. Ata wali msemeni baya. Dans l'église. Katika kanisa. Regarde pas ce qu'on dit. Apana kuangalia bile bantu wana kusemea. Ne regarde pas les intérêts. Apana kuangalia mafaida. Regarde ce que tu es venu chercher. Angalia kile ulicho kutafuta. Jésus Christ. Yesu Kristo. C'est lui qui a la solution de ton problème. C'est lui qui a la guérison de ta maladie. C'est lui qui a le pardon de tes péchés. Que Dieu vous bénisse. Fermons nos yeux, nous allons même chanter un cantique. Nous sommes là pour adorer le Seigneur. Ayez simplement la foi. Tout est possible. Comme maman au poisson. Priez maintenant le Dieu qui est parmi nous. Il va te donner la solution si tu crois sans défaillir. Prions tous au Seigneur Jésus-Christ.